amour dicte nos gestes, nos paroles et nos pensées. On découvre avec tristesse et avec lucidité qu'on n'a même plus de tendresse. On s'éloigne sans retour, un peu plus chaque jour. Quand on oublie les étreintes pour lesquelles on serait mort, et que la lumière éteinte, on se tourne et on s'endort. Il n'y a plus rien à faire que de renier sa fierté, sa pudeur pour crier. Reste encore une heure, une nuit près de moi. Reste encore une heure, une nuit contre moi. Reste encore une heure, une nuit, je t'en prie. Reste encore une heure, une nuit. Quand le téléphone sonne et qu'il ne sonne que pour toi, que je sais bien qu'un autre homme après moi t'en lassera. Quand le dîner se termine sans qu'on ait même par hasard échangé un regard. Quand on déchire les lettres, quand on vide les tiroirs, quand on guette à la fenêtre, il n'y a plus aucun espoir. Mais au moment de te perdre, je ne peux pas accepter de te voir me quitter. Reste encore une heure, une nuit près de moi. Un drame pour une absence d'un jour, et que l'on prévoit sans larmes de se quitter pour toujours. Quand le matin tu te coiffes et que je ne frémis plus de te voir diminuer. Quand on sent que quoi qu'on dise, on irrite et on déplaît, autant faire sa valise et savoir se séparer. Je voudrais être impassible et ne pas me raccrocher, mais je veux te garder.